Vous écoutez? La croche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à la croche-oreille, l'aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 au cadran du poste radio et à ckrl.qc.ca sur la toile, en tout lieu disposant en tout cas d'un lien Internet. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver en votre compagnie pour la prochaine heure. Je vous propose ce soir une soirée en deux temps pour départager deux projets sonores diamétralement opposés sur le plan de leur construction. L'un inspiré par l'histoire et la culture des arts sonores au sens large. Bon, ses instrumentations, ses codes, ses inflexions électroniques. Et puis un autre projet inspiré par le climat et la vie animale qu'on observe en région polaire, projet qu'on écoutera en seconde demi-démission. Cela dit, pour lancer la soirée, je vous propose un magnifique projet de création sonore intitulé The Long Song, la longue chanson, une création du duo nommé Drone, un collectif constitué principalement des artistes et musiciens Mike Harding et Mark Van Owen, deux compères qui sont actifs dans l'univers de la création électroacoustique et sonore depuis quoi de fort nombreuses années. Créateur sonore, commissaire, auteur, producteur d'événements, Mike Harding est le réputé cofondateur avec John Vosencroft de la plateforme sonore londonienne Touch et qui regroupe depuis une quarantaine d'années de nombreux artistes sonores, musiciens, expérimentateurs, expérimentatrices. Mark Van Owen est quant à lui un artiste sonore et musicien britannique, influencé à l'origine, dit-on, par Brian Eno et Tangerine Dream, notamment. On est dans les années 90. Il va s'appuyer sur toutes les technologies du son, synthétiseurs analogiques, magnétophones, vintage, appareillages numériques. Tout ça pour imaginer sur le plan sonore des univers oniriques. Sa discographie est d'ailleurs très riche. Il est en outre actif dans l'univers de la radiophonie. Tout comme Mike Harding, on peut les écouter sur la plateforme Dublab notamment. Je vous propose donc l'écoute ce soir d'une création de l'ensemble Drone intitulée The Long Song, la longue chanson, une création sonore très riche qui combine des fragments de conversation, des chants choraux, des allusions à l'univers des ondes radio. En somme, un amalgame sonore qui compte d'innombrables moments de grâce, vous verrez, qu'on doit deux artistes en pleine maîtrise, raconte la critique de leur palette sonore, pleinement conscient de l'impact artistique de l'assemblage. Alors voilà, on écoute le premier volet de cette création intitulée « The Long Song » du collectif Drone. Lots of people before you, you're waiting. Okay, thank you. Voilà, longue pièce, 18 minutes tout de même. Alors, ça complète la première demi de l'émission en compagnie de Mike Harding et de Mark Von Owen, artistes sonores du collectif Drone. Vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir, comme d'habitude, sur le site La Croche-Oreille. Alors, pour se rendre à la pause, on écoute cette fois un autre extrait du projet de Long Song, version numérique, un extrait du second volet. Alors, voilà, on écoute ça. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission pour ce soir. Vous êtes sur les ondes de La Croche-Oreille sur CKRL de 89.1. Alors je vous reviens après un bref battement promo. Hi, this is Robbie Krieger from The Doors. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. And you are listening to CKRL FM 89.1 in Quebec. Girl, you gotta love your man. Vous écoutez La Croche Oreille. Eh bien, on est de retour. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1, qu'on peut aussi syntoniser sur la toile à ckrl.qc.ca. Seconde demi de l'émission jusqu'à 22h. Alors, on entendait en première demi un projet de création de l'ensemble Drone, un titre longue chanson inspirée par la culture des arts sonores au sens large. On va maintenant écouter quelques œuvres tirées d'un projet inspiré cette fois par la combinaison des arts et de la science, un projet intitulé Polar Sounds, son polaire, je traduis ça librement, s'est fixé sur un album lancé en 2023 qui compile des créations sonores faisant écho à la vie marine des régions arctiques et antarctiques. On raconte dans la documentation que le son demeure parmi tous les phénomènes physiques celui qui voyage le plus loin dans les océans. Les méthodes acoustiques et les paysages sonores sont donc devenus, au fil du temps, des outils parmi d'autres qu'utilisent les scientifiques pour comprendre, dit-on, la diversité marine. C'est dans ce contexte que le projet Polar Sounds invitait des artistes sonores et des musiciens, musiciennes à s'inspirer des sonorités qu'on retrouve dans les milieux marins de l'Arctique et de l'Antarctique pour créer. Alors voilà, on raconte que les extraits choisis pour le projet ont été pour la plupart enregistrés à partir d'hydrophones situés dans les mers polaires. Et pour lancer l'écoute, je vous propose une création d'Anna Vienna Ho. C'est intitulé « The Codes ». C'est une création inspirée des différents sons qu'utilisent les baleines pour communiquer, ressentir et peut-être même naviguer à l'intérieur d'environnements spécifiques. Ce sont comme des codes, raconte Vienna Ho, qui décrivent des scènes des régions arctiques et antarctiques, les animaux, l'effondrement des banquises, les collisions d'icebergs, etc. Alors on écoute ce beau titre de Codes. Thank you. Eh bien, toujours tiré de ce projet intitulé Polar Sounds, on écoute maintenant une création d'Elissa Goodrich. C'est intitulé Sounding with the Whale, un projet inspiré, là encore, par le chant des baleines du Groenland. Pour résumer, Elissa a d'abord été inspirée, dit-elle, par la mélodie, les glissades musicales ou gémissements des baleines tirées du contexte boréal. On a donc combiné ces méthodes baleinières à de l'échantillonnage musical réalisé à partir d'instruments traditionnels, le saxophone et la clarinette basse de Gideon Brasil, la contrebasse, elle, de Rodrigo Salgado, et son propre vibraphone, on parle à ce moment-là d'Elissa Goodrich. Alors voilà, tout ça pour imaginer, dit-elle, un paysage marin rappelant le son des baleines sous la glace. Alors, on écoute ça. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL. Je vous propose ce soir des extraits d'un projet intitulé Polar Sounds, projet qui combine les arts et la science autour des manifestations sonores de la vie marine arctique et antarctique. Et pour illustrer, on écoute cette fois une création de Ha-Yong Shan, c'est intitulé Ancient Traveler. Voici ce qu'il nous raconte d'ailleurs à ce propos. Il dit ceci, j'ouvre les guillemets, en tant qu'interprète du Gaya Geum, un instrument à cordes traditionnel coréen inventé au 6e siècle, j'ai essayé de créer un motif mystérieux inspiré par la collision des icebergs, tout cela rappelant des rituels de voyage des temps anciens. Alors, on écoute cette pièce intitulée Ancient Traveler de Ha-Yong Shan. Je vous propose maintenant un autre titre tiré de ce projet intitulé Polar Sound, ce projet initié, je le souligne, par la plateforme Cities in Memory, en collaboration avec de nombreux instituts scientifiques. D'ailleurs, vous trouverez la référence aux pièces sur le site La Croche-Oreille. Alors, on écoute cette fois une création de Valentina Mara intitulée In the Depth of. Elle fait référence cette fois à l'appel du crabe, dit-elle. J'imaginais voir l'animal dans son propre environnement naturel et j'ai trouvé que c'était plutôt agréable. Ça a été le sentiment de mon inspiration et de là est née ma composition. Alors, on écoute ce titre de Valentina Mara, In the Depth of, avec trois petits points. Alors, on écoute ça. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des créateurs Mike Harding, Mark Van Owen, Anna Viana Ho, Elisa Goodrich, Ayum Sean et Valentina Mara. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que vous retrouverez sur le site de nombreuses plateformes numériques, comme la plateforme Touch notamment. J'en profite d'ailleurs pour saluer Mike Harding de nous avoir transmis les pièces. Cela dit, vous trouverez la liste des œuvres entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute quand ça vous tente. Alors voilà, restez des nôtres. Mathieu Johnson s'amène avec son Rock Medium. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore depuis les studios de CKRL. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.